Si vous êtes dans Romains chapitre 10, relisons le verset 14 si vous voulez bien. Romains chapitre 10, verset 14. Donc c'est le chapitre référence, donc je vous encourage à garder quelque chose dans Romains chapitre 10. Au verset 14, il est dit « Comment alors feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment entendront-ils sans un prédicateur ?» Et donc là on est dans Romains chapitre 10 et aujourd'hui on commence une nouvelle série de sermons. C'est une série sur ce qu'on appelle le soul winning, si vous avez déjà entendu ce terme, mais c'est ce qu'on appelle aussi l'évangélisation et c'est ce qu'on appelle aussi gagner des âmes. C'est la même chose. Quand aujourd'hui je vous mentionne soul winning, gagner des âmes, évangélisation, c'est trois termes qui désignent la même chose. Donc ça sera une série de 4-5 parties. Là c'est la première partie aujourd'hui, on fera 4-5 parties, je dis 4-5 parce que si c'est nécessaire d'en faire une cinquième, j'en ferai une. Ça dépend de comment on avance, mais c'est vraiment une série très importante. Je vous encourage à prendre des notes. Si vous avez quelque chose pour prendre des notes, je vous encourage à prendre des notes ou à réécouter si nécessaire le message plus tard. Et pourquoi ? Pourquoi c'est si important ? Parce que c'est notre première mission en tant que personne sauvée, n'est-ce pas ? Notre première mission, c'est d'aller prêcher l'évangile, c'est d'aller gagner des âmes. Et chacun d'entre nous, quand on se réunit le dimanche, c'est pour ça à la base. On est un groupe de soul winning, on fait partie d'une église et bien sûr, on vient adorer Dieu, on vient prier, on vient écouter sa parole. Mais on vient évangéliser, c'est notre priorité. Et chacun d'entre nous, si vous êtes sauvés aujourd'hui, chacun d'entre nous, pourquoi on est sauvés, c'est parce que quelqu'un nous a prêché l'évangile. Personne n'est sauvé sans avoir entendu quelqu'un qui lui prêche l'évangile, que ce soit en face à face, que ce soit par audio, que ce soit par vidéo, n'est-ce pas? Mais on a tous écouté l'évangile prêché par quelqu'un si on est sauvé. Et bien sûr, on croit que le Seigneur Jésus-Christ nous sauve, mais Dieu utilise des hommes pour prêcher l'évangile. Donc c'est un travail qu'on doit prendre très au sérieux et j'espère que chaque personne ici prend ce travail-là très au sérieux. Parce que c'est un travail très sérieux et c'est pour ça qu'on va faire une série de 4-5 messages sur le sujet, notamment pour voir comment évangéliser, voir des détails de la présentation de l'évangile. Et cette série qu'on va voir, donc de 4-5 messages, comme je dis, c'est une série qui est basée sur les messages de notre pasteur. Je ne sais pas si vous les avez déjà écoutés, mais notre pasteur Ian Taverner, notre église Strong Tower, Baptist Church, a fait une série de 8 messages sur « How to win souls », donc comment gagner des âmes. Donc je vous encourage à aller les écouter si vous ne les avez pas écoutés. Même si vous avez déjà écouté, je vous encourage à le refaire. Je mettrai la playlist dans la description de ce message aussi. Et c'est donc la méthode de notre église. Parce qu'on fait un groupe, on est un groupe qui fait partie de l'église d'Angleterre. Donc on veut que notre méthode soit en lien avec la méthode de notre église, bien sûr. Et donc ça ne sera pas en 8 parties. Pourquoi ? Parce que nous, on n'a qu'un dimanche par semaine. Bien sûr, ils ont 3 messages par semaine, donc je ferai plus condensé en 4-5 parties. Mais déjà, en 4-5 parties, on va voir beaucoup de choses et on va voir l'essentiel. Et si vous voulez vraiment écouter au complet, je vous encourage à visionner les messages de notre pasteur. Donc 4-5 parties, on va voir beaucoup de choses. J'espère que ça nous aidera chacun d'entre nous. Et parce que c'est une excellente méthode pour aller évangéliser, peut-être que vous l'utilisez déjà. Et si vous dites, ouais, moi je sais déjà évangéliser, je peux sortir, c'est déjà tout bon, bah Dieu soit loué si vous savez déjà évangéliser, j'espère que tout le monde sait déjà évangéliser. Si vous savez pas, on peut apprendre à évangéliser, bien sûr. Mais je suis sûr qu'ici on a des excellents soul winners, des excellentes soul winners aussi. J'en doute pas, mais c'est bien de revoir ça. C'est bien de revoir ça, c'est bien de se perfectionner, c'est bien d'améliorer. Peut-être qu'il y a des choses à changer, peut-être qu'il y a des choses à rajouter. Donc c'est notre méthode d'évangélisation, elle est vivante. Donc on essaye de s'améliorer, de se perfectionner pour un travail aussi important. C'est important de se perfectionner. Parfois c'est nécessaire de changer les choses. Je pense que vous êtes d'accord qu'on est là pour s'améliorer et avoir une bonne méthode. Donc on veut s'aligner avec la méthode de notre église, avec bien sûr, vous pouvez avoir votre touche, vous pouvez avoir un verset que vous préférez par rapport à un autre, mais sans aller trop loin de la méthode de base. Et voilà. Donc aujourd'hui c'est la première partie de la série, on va voir deux choses. Donc c'est un condensé de la première partie de notre pasteur et de sa deuxième partie. Donc c'est la partie 1 et la partie 2. Donc le premier point, ça sera une introduction au soul winning. Et le deuxième point, ça sera le démarrage d'une conversation. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Vous pouvez aller dans Proverbes chapitre 11, si vous voulez bien. Proverbes chapitre 11, encore une fois, je vous encourage à prendre des notes. Vous réécoutez si nécessaire. Aujourd'hui, on va couvrir la partie 1 et 2 de la série How to Win Souls de notre pasteur Ian Taverner. Donc le premier point, il y aura deux points. Premier point, c'est une introduction au soul winning. Pourquoi on va évangéliser, l'importance de l'évangélisation et tout ce qui a trait au le fait de gagner des âmes. Et deuxième partie, démarrer une conversation quand on va prêcher l'évangile. Donc, si vous demandez qu'est-ce que c'est que le soul winning, qu'est-ce que c'est que l'évangélisation, soul winning, c'est le nom en anglais. Et je vais le mentionner plusieurs fois dans ce message, mais c'est le fait d'aller gagner des âmes à Christ. Quand on va évangéliser, on gagne des âmes à Christ. Ça veut dire qu'on tourne les gens vers le Seigneur Jésus-Christ pour qu'ils croient en lui et qu'ils soient sauvés. C'est ça l'évangélisation. Gagner des âmes à Christ. C'est pour ça qu'on dit gagner des âmes, soul winning. Donc c'est l'action de sauver des âmes de l'enfer. Pourquoi on gagne des âmes à Christ? Pour qu'il soit sauvé de l'enfer, pour qu'il soit sûr d'aller au paradis. Et on, parce qu'on croit que quand quelqu'un est assez grand, un enfant est assez grand pour discerner entre le bien et le mal, son esprit est mort à cause de ses péchés et il a besoin d'être sauvé. Il a besoin d'être sauvé et chacun d'entre nous, on mérite d'aller en enfer, donc on a besoin d'être sauvé de l'enfer. C'est pour ça qu'on veut gagner des âmes de l'enfer, on veut sauver les personnes de l'enfer. Donc quand on va gagner des âmes, on va gagner des âmes au Seigneur pour qu'il soit sûr d'aller au paradis. Il méritait d'aller en enfer, on veut qu'il se tourne vers le Seigneur Jésus-Christ pour aller au paradis. C'est ça le fait d'aller gagner des âmes. Et comment on fait ça? Ben, en prêchant l'évangile, n'est-ce pas? On fait ça en prêchant l'évangile, en prêchant la bonne nouvelle, parce que évangile ça veut dire bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, c'est gratuit d'aller au paradis. Regardez Proverbes chapitre 11 verset 30. Il est dit, le fruit de l'homme droit est un arbre de vie et celui qui gagne des âmes est sage. Donc, si quelqu'un un jour vous dit, oh gagner des âmes c'est pas un peu prétentieux, non? C'est dans la Bible. Celui qui gagne des âmes est sage. Et Paul dit, si je peux en sauver quelques-uns, donc on sauve des âmes. On croit pas qu'on sauve, nous, personnellement, les gens, parce que on est un sauveur. Non, on croit que les gens sont sauvés par Jésus-Christ, mais on les sauve parce qu'on leur prêche l'évangile. Parce que l'on prêche le Seigneur Jésus-Christ. Et Paul a des enfants dans la foi. Pourquoi? Parce qu'il leur a prêché l'évangile et ils se sont convertis. Donc, un chrétien peut gagner des âmes parce qu'il est sauvé, parce qu'il a le Saint-Esprit. Le fruit de l'homme droit est un arbre de vie. Ça veut dire que le fruit qui sort de votre bouche, ça peut produire une personne sauvée. Ça peut produire une personne sauvée, donc c'est capable de fournir la vie éternelle. Et ça, c'est un privilège, n'est-ce pas? Quel privilège de pouvoir, juste en prêchant la parole de Dieu, convertir quelqu'un. Le fruit de l'homme droit est un arbre de... Et la Bible est claire, c'est être sage que de faire ça. Si vous gagnez des âmes, vous êtes sage. Que vous veniez en tant que parleur ou partenaire silencieux, peu importe. Celui qui va gagner des âmes, il est sage. Parce que c'est un travail d'équipe. Et en même temps, c'est une responsabilité. C'est un privilège, mais en même temps, une responsabilité. Et c'est pour ça qu'on voit cette méthode en plusieurs parties, c'est parce que c'est une responsabilité, on veut faire les choses sérieusement. Et donc mes amis, si vous êtes sauvés, vous devez le faire. Vous devez aller prêcher l'évangile. On doit aller prêcher l'évangile, chacun d'entre nous. On a tous ce ministère de la réconciliation, amen, et on va y revenir après. Parce que si vous pensez au salut de quelqu'un, chaque personne qui est sauvée ici, chaque personne qui a été sauvée, c'est le résultat d'une personne sauvée qui a prêché l'évangile et expliqué la parole de Dieu à quelqu'un qui n'était pas sauvé. C'est ça l'évangélisation. On prêche la parole de Dieu à quelqu'un qui n'est pas sauvé et on plaide avec la personne, on prêche la parole de Dieu, on questionne, on interagit et on veut que la personne soit sauvée. Et bien sûr, la personne a un choix à faire, mais nous, on veut faire tout pour que la personne soit sauvée. Regardez Romains chapitre 10, retournez dedans si vous voulez bien. Et c'est la seule manière, aucune autre manière que de sauver une âme en prêchant la parole de Dieu. Il n'y a pas deux manières, il n'y a pas trois manières. Parole de Dieu prêchée par quelqu'un de sauvé. C'est comme ça qu'on peut convertir quelqu'un. Retournons en Romains chapitre 10. Romains chapitre 10. On va relire le verset 14. Romains chapitre 10, verset 14. Comment alors feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils sans un prédicateur? Et ça, c'est un magnifique verset. Paul pose ces questions. Justement, il dit comment ils pourraient faire appel en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment ils peuvent être sauvés s'ils n'ont pas entendu parler du Seigneur Jésus-Christ? Comment ils peuvent croire en lui s'ils n'ont pas entendu de lui au sujet de l'évangile? Et comment entendront-ils sans un prédicateur? La Bible est claire. Comment les gens peuvent être sauvés sans quelqu'un qui leur prêche l'évangile? La réponse, c'est impossible. Impossible. C'est pour ça que personne peut être sauvé sans quelqu'un qui lui prêche l'évangile. Amen. Et ça peut être derrière le pupitre, quelqu'un qui prêche un message sur le salut, ou même pas forcément sur le salut, mais où il y a le salut intégré. Ça peut être en porte-à-porte, ça peut être dans la rue, ça peut être dans un parc, ça peut être en face-à-face, ça peut être en audio, en vidéo, par téléphone, mais il y a toujours quelqu'un qui prêche l'évangile. Il y a toujours quelqu'un qui ouvre sa bouche pour prêcher l'évangile. C'est toujours par quelqu'un qui prêche. Personne ne serait sauvé sans cela. Romains chapitre 10, verset 14. Comment alors feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils sans un prédicateur? Et lisons la suite, verset 15 à 17, si vous voulez bien. Romains chapitre 10, verset 15 à 17. Donc là, c'est la première partie, c'est toute une introduction au soul winning, mais c'est bien de revoir les bases. Regardez verset 15 à 17. Il est dit, et comment prêcheront-ils à moins qu'ils ne soient envoyés? Comme il est écrit, si beaux sont les pieds de ceux qui prêchent l'évangile de paix et qui apportent de roses nouvelles de bonnes choses. Mais ils n'ont pas tous obéi à l'évangile, car Esaïe dit, Seigneur, qui a cru à notre apport? Ainsi donc la foi vient en entendant, et ce qu'on entend vient par la parole de Dieu. Et retenez bien ça, personne peut être sauvé en lisant un tract. Personne peut être sauvé en lisant une brochure. Et ça, on doit chacun d'entre nous être ferme là-dessus. Et je le dis aussi pour ceux qui écoutent en ligne, personne peut être sauvé en lisant la Bible tout seul. C'est impossible. La Bible est vraiment claire. La foi vient en entendant. Il n'a pas dit la foi vient en lisant. Non, il dit la foi vient en entendant et ce qu'on entend vient par la parole de Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui m'énerve. Des gens qui essayent de dire, oh, tu peux donner un tract, tu peux lire la Bible, tu peux être sauvé par toi-même. Non, personne ne peut être sauvé en lisant un tract par soi-même. Et c'est pour ça qu'on va prêcher l'évangile. C'est pour ça que la Bible nous dit d'ouvrir nos bouches avec hardiesse. Sinon, on a juste à payer un facteur et il met des brochures dans toutes les boîtes aux lettres des gens. On distribue des Bibles et c'est fini. Non, nous, on croit que c'est pas possible d'être sauvé comme ça. Bien sûr, donner des brochures, c'est bien, parce que des fois, les gens veulent pas écouter. Et il n'y a rien de mal d'utiliser ça, donner une Bible à quelqu'un. Les gens peuvent lire, ils peuvent avoir des graines, ils peuvent se poser des questions, mais ils ne seront pas sauvés tant que quelqu'un leur prêche l'évangile. Et combien de fois on rencontre des gens qui vont dire « Ah oui, moi, j'avais lu un verset, ou j'ai déjà lu la Bible, ou je connais... » Les gens connaissent certaines choses, et donc ça les fait qu'ils sont souvent plus réceptifs, mais ils ne sont pas encore sauvés. Et on voit Philippe avec l'eunuque. L'eunuque, il dit « Comment je pourrais comprendre si personne m'explique ?» Et c'est la même chose pour toutes les personnes dehors. Donc, je sais que des fois, il y a des gens sauvés qui peut-être croient qu'on peut être sauvé en lisant la Bible, en lisant un tract, mais c'est un mensonge. C'est un mensonge, et malheureusement, cette doctrine envoie plein de gens en enfer. Parce que si vous croyez que donner un tract, ça suffit, vous n'allez pas forcément prêcher l'évangile. Vous allez préférer rester chez vous, et simplement distribuer la bonne semence, comme certains font. Non, on ne peut pas être sauvé en lisant un tract. Et c'est pour ça que la foi vient en entendant, et ce qu'on entend vient par la parole de Dieu, ça veut dire qu'on a besoin d'écouter. Si on a besoin d'écouter, on a besoin que quelqu'un nous prêche l'évangile. Allez dans 2 Corinthiens chapitre 5, si vous voulez bien. Si vous rencontrez quelqu'un dans la rue qui vous dit « Moi, j'ai été sauvé en lisant la Bible », essayez de voir, creuser un peu si cette personne est vraiment sauvée. Bien souvent, c'est des gens non sauvés. Mais si cette personne est sauvée et qu'elle reste sur sa position, elle n'a pas été sauvée comme ça. Peut-être qu'elle s'en rappelle pas, peut-être qu'elle a entendu l'évangile plus jeune, mais personne ne peut être sauvé comme ça. Donc, laissez pas les témoignages des gens ou ce que vous disent les gens contredire ce que dit la Bible. La Bible, elle est claire. On ne peut pas être sauvé sans entendre la parole de Dieu. Regardez 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. C'est pour ça que Dieu nous dit d'aller par tout le monde et prêcher l'évangile à toute créature. Regardez 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Par conséquent, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, la bonne nouvelle, c'est que quand on est sauvé, on a une nouvelle créature. Et donc, même si vous êtes quelqu'un, vous vous dites, moi, je suis timide, moi, je suis réservé, moi, j'ai peur d'aller prêcher l'évangile. Dieu a fait de vous une nouvelle créature quand vous êtes sauvé. Dieu vous a équipé de son Saint-Esprit, donc vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se dire peut-être timides ou réservés ici et ils vont pourtant prêcher l'évangile. Pourquoi ? Parce qu'on s'en remet à Dieu quand on va prêcher l'évangile. Et quand on a la méthode, on montre dans la Bible et bien sûr avec l'expérience on est un peu plus à l'aise, mais des fois on n'a pas forcément envie d'y aller, mais on y va parce qu'on aime les gens, parce qu'on veut répondre au commandement de Dieu. Donc si vous dites « moi je suis trop timide », la bonne nouvelle c'est que quand vous êtes sauvé, vous avez le Saint-Esprit. Vous avez le Saint-Esprit et toutes choses sont devenues nouvelles. Et vous pouvez venir en tant que partenaire silencieux, on va en reparler aussi un peu plus loin. Regardez versets 18 à 21, toujours dans 2 Corinthiens chapitre 5, toujours dans cette introduction au soul winning, il est dit « Et toutes choses sont de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui-même par Jésus-Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation, c'est-à-dire que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, ne leur imputant pas leurs infractions, et il nous a confié la parole de réconciliation. Maintenant donc, nous sommes ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu vous implorait par nous, nous vous prions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu, car il a fait être péché pour nous, celui qui n'a connu aucun péché, afin que nous puissions être faits la droiture de Dieu en lui. » Et si vous analysez ce passage qu'on vient de lire, des versets 18 à 21, on a « nous a réconciliés, nous a donné, nous a confié, il a été fait péché pour nous, afin que nous puissions, donc 1, 2, 3, 4, au moins, même nous sommes ambassadeurs, 6 fois le mot « nous ». Et ce « nous », c'est le même « nous » que dans le verset 21 qui dit « car il a fait être péché pour nous ». Donc ce « nous », c'est toutes les personnes sauvées, sans exception. Il n'y a pas quelqu'un qui est sauvé ici, qui n'est pas mentionné. Parce que si vous avez cru en Jésus-Christ, vous avez été fait la droiture de Dieu en lui. Donc ce même « nous » que dans le verset 21, c'est le même « nous » pour tout le monde et c'est le même « nous » qui est « nous sommes ambassadeurs pour Christ ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toutes les personnes sauvées sont ambassadeurs pour Christ. C'est pour tout le monde. Il n'y a pas « moi j'ai le don d'aller prêcher l'évangile, toi tu l'as pas, moi je suis désolé, je préfère... » Non, c'est le même « nous ». C'est le même « nous ». Pourquoi ? Parce qu'on doit tous aller le faire, homme, femme, enfant, peu importe qu'on soit plus ou moins éloquent, peu importe. Dieu utilise tout le monde et Dieu utilise les choses faibles de ce monde. Ne vous dites pas « moi, par exemple, je n'ai jamais gagné ». Si, Dieu utilise tout le monde. Et vous ne savez pas si cette personne elle aurait été sauvée par vous. Par vous. Donc c'est pour ça qu'on doit tous aller prêcher l'évangile. Donc le « nous », c'est toutes les personnes sauvées. Donc c'est un travail à prendre très au sérieux. Et bien le faire aussi, c'est très important. C'est pour ça qu'on voit une série à ce sujet. Donc on va voir bien sûr en détail. Donc qu'on soit homme, femme, enfant, avec une Bible en main, on va avec la Bible en main avec l'objectif de convertir quelqu'un, avec l'objectif de présenter l'évangile, avec l'objectif que la personne soit sauvée. Parce que quand vous êtes sauvé, vous pouvez faire de grandes choses pour Dieu. Vous pouvez faire de grandes choses pour Dieu. On y va par pair et toujours en sachant que l'objectif du soul winning, c'est de gagner des âmes. Pourquoi on va prêcher l'évangile? Pour gagner des âmes. Et on veut que les gens soient sauvés. Et donc c'est bien de s'améliorer. Donc dans cette première partie sur l'introduction de soul winning, on va voir plusieurs choses. Pour ce qui s'agit de notre groupe, on a des règles. Je ne sais pas si vous le saviez, notre pasteur les a mentionnées dans sa série, mais on a des règles. Notre église a des règles d'évangélisation, donc ce qui fait que c'est les règles aussi de notre groupe. Comment bien représenter notre église? Quand on va évangéliser, on veut bien représenter notre église, représenter le Seigneur Jésus-Christ. Donc les règles sont là pour une raison. Les règles sont là pour une raison, on veut faire les choses comme notre église fait. Parce que si on se soucie des personnes non sauvées, on veut bien faire les choses. On veut bien faire les choses. Et si quelqu'un écoute en ligne et dit « moi, je fais pas partie de l'église Tronc-Tauvin parce que je fais pas partie de votre groupe », ces règles, je pense, sont bien pour tout le monde. Si vous écoutez en ligne et vous dites « moi, j'évangélise dans telle partie du monde », peut-être quelqu'un qui écoute en ligne, je pense que c'est des bonnes règles à appliquer, que vous pouvez appliquer aussi, mais en tout cas, c'est définitivement pour notre groupe parce qu'on fait partie de cette église. La première règle, et après, à la fin de cette première partie, je vous remémorerai les 10 points parce qu'on va pas faire point par point, je vais simplement les mentionner. C'est que nous, en tout cas, dans notre groupe, on fait tout le soul winning avec la King James française ou la Osterwald 1744. C'est les deux bibles qu'on utilise quand on prêche derrière le pupitre et c'est les deux bibles qu'on veut utiliser quand on va prêcher l'évangile. Allez prêcher l'évangile avec la Louis II, par exemple. Allez pas prêcher l'évangile avec la Bible, la Bonne Semence ou la Tob ou ce genre de mauvaise bible. On veut prêcher l'évangile avec la King James française ou la Osterwald 1744. Et si vous n'avez pas de King James française, il y en a ici que vous pouvez prendre. Il y en a ici, donc voilà, c'est les deux bibles qu'on utilise. En anglais, c'est uniquement la King James. Quand on prêche l'évangile, c'est uniquement la King James en anglais. Parce que donc la King James française et la Osterwald 1744, selon moi, c'est les deux meilleures versions. Si un jour quelqu'un a une bonne version aussi, ben on est ouvert à regarder dans les anciennes versions. Peut-être qu'il y en aura une troisième, pour l'instant il n'y en a que deux. Parce que nous, on n'a pas, bien sûr, la Bible parfaite comme la King James en anglais. Donc on évangélise avec ces deux versions, avec une Bible physique en main. Donc le fait de prendre une Bible en main et de montrer les versets, parce que quand vous montrez dans la Bible, il y a une certaine autorité qui fait que les gens peuvent regarder ce qui est écrit et vous montrer qu'est-ce que dit la Bible. Donc c'est important d'avoir une Bible en main. Bien sûr, c'est bien de mémoriser les versets. Je vous encourage à mémoriser tout l'évangile par cœur parce que vous pouvez vous retrouver dans des situations où vous n'avez pas une Bible dans les mains. Au travail, dans votre famille. Donc ça peut arriver que vous prêchiez l'évangile sans la Bible, donc c'est bien de connaître les versets, mais quand on va dehors, on va avoir une Bible en main. C'est mieux de présenter avec la Bible, parce que vous pouvez leur faire lire des passages. Vous pouvez leur faire lire des passages, vous pouvez leur montrer, et vous pouvez aussi montrer d'autres versets que vous ne connaissez pas par cœur, à travers la Bible. Quand on monte dans la Bible, c'est noir sur blanc que dit la Bible, n'est-ce pas? Noir sur blanc, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Personne ne peut venir avec ce verset et dire, non, moi je crois qu'il y a aussi faire ça, non, c'est écrit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Parfois, vous pouvez aussi citer, si vous avez des morceaux de versets, ou des versets que vous pouvez citer pendant votre présentation, c'est bien de le faire aussi. Par exemple, vous pouvez dire « Dieu fut manifesté dans la chair » quand vous parlez du Seigneur Jésus-Christ. Vous n'allez pas forcément montrer tout le verset. Donc il y a un avantage, bien sûr, à connaître des versets par cœur, parce que ça arrive. Mais il y a une autorité à montrer dans la Bible. Voilà ce que dit la Bible. Voilà ce que dit la Bible. C'est pour ça qu'on y va avec une Bible en main. Et des fois, même des gens vont venir vers vous et dire « Ah, vous avez une Bible, etc. » Et vous pouvez entamer. C'est déjà arrivé que des gens se posent une question parce qu'ils nous voient avec une Bible. Et après, il y a des gens, par contre, qui s'en vont. Mais tant mieux, parce que c'est pas ces gens-là qu'on veut, n'est-ce pas? Si quelqu'un a peur de la Bible, il va pas vouloir écouter l'évangile. Donc, si quelqu'un vous voit avec une Bible en main et s'en va, et vous dites « Ah, mince, il aurait... » Non, s'il vous voit avec une Bible en main et s'en va, c'est que c'était pas quelqu'un qui voulait écouter l'évangile. À moins que vous soyez pas très expérimenté, mettez des marques dans vos Bibles. Notre pasteur avait dit ça aussi, c'est important, parce qu'on veut avoir une structure. Donc par exemple, mettez quelque chose dans le premier verset dans lequel vous voulez tourner. Si vous savez pas où est Romains et vous n'arrivez pas à y aller forcément rapidement, mettez quelque chose dedans, ça permet d'aller plus vite dans Romains 3 par exemple. Donc je vous encourage à le faire. C'est bien de noter le verset suivant à côté du verset que vous êtes en train de citer. Si vous commencez par Romains 3, 23, mettez le verset suivant à côté. Ça vous permet d'avoir le verset et de suivre une structure. Une fois que vous êtes plus expérimenté et que c'est pas nécessaire pour vous, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais il faut déjà bien connaître sa méthode. Et quoi qu'il arrive, que vous soyez expérimenté ou pas, ayez une structure. On veut toujours avoir cette structure. Et on veut présenter l'évangile de manière structurée. Donc peut-être que vous aurez plus besoin de noter dans la Bible, mais si vous commencez à noter les versets dans votre Bible, vous commencez à Romains 3, 23 par exemple, vous mettez Romains 6, 23 après, comme ça vous savez où est-ce que vous allez aller. Quand on évangélise aussi, très important, et éviter les tangentes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont, enfin pas beaucoup, mais il y en a quand même pas mal de gens qui vont essayer de vous détourner de la présentation. Ils vont essayer de vous poser des questions qui n'ont rien à voir avec l'évangile, ou essayer de débattre sur quelque chose, et attention aux gens qui veulent vous amener en dehors de l'évangile. C'est bien de dire aux gens, je peux répondre à vos questions, mais après, si vous voulez revenir sur un... Et peut-être qu'ils auront la réponse même pendant la présentation, peut-être qu'ils vont oublier. Mais attention, parce qu'il y a des gens, bien sûr, je vais en reparler, mais il y a des gens qui sont là que pour débattre. Mais même des gens bien intentionnés qui peuvent vous poser des questions, mais si vous sentez que ça peut empêcher qu'ils écoutent l'évangile, répondez rapidement, mais sinon, dites que vous en reparlerez après. Une chose importante aussi, surlignez les versets dans votre Bible. Je vous encourage vraiment à le faire. Même si vous connaissez les passages, surlignez-les. Pourquoi ? Parce que quand vous-même, c'est plus facile, vous voyez tout de suite le verset, mais ça permet aux gens de se focaliser sur le verset surligné. Ils vont pas commencer à lire des versets un peu à droite, à gauche. Donc je trouve que c'est mieux, quand vous montrez, les gens à regarder ces versets-là et ils regardent là où c'est surligné. Je pense qu'on a un mécanisme en tant qu'être humain que quand on voit quelque chose surligné, on regarde plus facilement. Donc c'est mieux de surligner les versets, je vous encourage à le faire. Ça permet aux gens de regarder directement le verset que vous voulez montrer, vous-même à aller directement dedans, ça permet d'être plus fluide. Donc ça c'est tout ça c'est la préparation de sa Bible. C'est une introduction surligning, mais c'est préparer votre Bible. Parce qu'on doit avoir une préparation prête. Et donc on va voir bien sûr à travers la série et la méthode. Allez dans Luc chapitre 10. Donc préparez votre Bible, ayez les versets surlignés. Autre chose, quand on va évangéliser, on y va par deux, pourquoi ? Parce que c'est ce que la Bible enseigne. Regardez dans Luc chapitre 10 au verset 1, des fois on y va par trois, parce que par exemple on est trois hommes, mais l'idéal c'est par père. Et bien sûr quand il y a les enfants, on compte pas les enfants dans la paire. Après si vous avez un enfant assez âgé pour faire une paire, c'est très bien. Il faut quand même un certain âge. Regardez Luc chapitre 10 verset 1, il dit « Après ces choses, le Seigneur en désigna aussi 70 hôtes, donc 70 hôtes, et les envoya deux par deux devant lui, dans chaque ville et en tout lieu où il devait lui-même aller. » Donc le modèle biblique, c'est pas un par un. C'est pas toi tu vas là-bas, tout... non, c'est deux par deux. Pourquoi être au moins deux? Je vous donne plusieurs raisons si vous demandez pourquoi être au moins deux. Parce que quand on est deux, on a plus d'audace, déjà. Parce que vous savez qu'il y a quelqu'un avec vous. Ça vous donne une certaine audace d'y aller à deux. Tout seul, ça peut être un peu plus effrayant, un peu plus difficile. À deux, ça donne une certaine audace. Autre chose très importante, vous avez un témoin. La Bible parle de deux ou trois témoins. Quand vous êtes deux, vous avez un témoin. Donc, quelqu'un peut pas vous accuser de quelque chose si vous êtes deux et que vous accordez. Donc, il y a cette chose du fait d'avoir un témoin. Si nécessaire, bien sûr, on espère que ça arrivera jamais. Autre chose, on a du fellowship. Quand vous êtes deux, vous pouvez discuter ensemble, vous pouvez parler ensemble. Donc, ça crée des relations, ça crée des liens, ça crée des souvenirs aussi. Donc, c'est une bonne chose d'être par deux. Et dernière chose, quand vous êtes deux, il y en a un qui parle et un qui est silencieux. Celui qui est silencieux, il peut prier. Il peut aider si besoin, donc écarter une personne qui viendrait déranger, prendre à part quelqu'un qui serait là pour déranger et observer qu'est-ce qui se passe pour protéger cette conversation, faire de son mieux par rapport à ça. Donc le partenaire silencieux a un grand rôle, il peut... Des fois, on a déjà prêché l'évangile ou quand vous prêchez l'évangile à quelqu'un, il y a quelqu'un qui arrive, peut-être pas forcément méchamment, mais qui veut interrompre ou quoi que ce soit, vous prenez la personne à part, il y a déjà des gens qui ont été sauvés parce que le partenaire silencieux a permis que la conversation continue. Donc c'est un rôle très important, éviter les distractions. Donc par pair, un qui parle et un qui est silencieux. Et si vous n'êtes pas confiant à parler, alors venez comme partenaire silencieux, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de délai, il n'y a pas de « ah, tu dois prêcher dans 12 semaines, un mois, deux mois ». Non, il n'y a pas de délai, vous pouvez venir partenaire silencieux le temps que vous voudrez, quand vous vous sentirez plus à l'aise, vous pouvez le dire, mais venez, apprenez, il n'y a pas de limite de temps parce que c'est une équipe. Le partenaire silencieux et celui qui parle, ils sont aussi importants l'un que l'autre. Parce que si on n'a que des parleurs... et qu'il n'y a pas de partenaire silencieux, on est deux fois moins. On est deux fois moins, donc ça fait moins d'équipe. Donc un partenaire silencieux, c'est une aide, c'est un soutien, et il est silencieux, il peut prier, prêter attention à l'évangélisation. Et si vous êtes partenaire silencieux, soyez présent. C'est-à-dire, soyez présent, soyez investi, observez, priez, aidez. Nous, par exemple, on a l'habitude, parce qu'on est trois, et qu'on va, par exemple, quand on va dans un parc, des fois, on peut parler chacun avec une personne, mais on est à peu près au même endroit. Parce qu'on n'a pas deux équipes, parce que là c'est pas en porte-à-porte, donc ça peut arriver de faire comme ça. Donc des fois voilà, mais si vous êtes deux, il faut que le partenaire silencieux il soit engagé, il n'est pas sur son téléphone pendant 20 minutes en train de faire autre chose. Amen. Vous voyez ce que je veux dire. Donc d'être engagé, d'être présent, et bien sûr quand vous avez des enfants, il faut être prudent, peut-être qu'il y a quelqu'un qui surveille plus les enfants quand il y a deux mamans par exemple. Autre chose, être silencieux ça veut dire être silencieux. Donc ne coupez pas la conversation quand quelqu'un prêche l'évangile. Ne coupez pas, c'est pas une bataille à deux, on n'est pas à deux à batailler contre quelqu'un, à essayer de convaincre quelqu'un à deux, c'est pas ça l'évangélisation à deux. Il y en a un qui parle, il y en a un qui est silencieux. Celui qui est silencieux est extrêmement important parce qu'il prie, il veille sur la conversation, mais c'est celui qui parle qui prêche l'évangile. La seule exception, c'est vraiment si c'est extrêmement important, et par exemple en fin d'évangile, vous sentez que la personne, il faut vraiment rajouter quelque chose, vous pouvez demander à votre partenaire et dire « est-ce que je peux rajouter quelque chose ?» Par exemple ça, ou si... Autre chose, si quelqu'un n'est pas très expérimenté, et voilà, à la fin, par exemple, dire que je peux rajouter quelque chose parce que vous sentez que la personne ne va pas être sauvée. Ça, ça peut être des exceptions. Mais faites de votre mieux pour rester silencieux. Soyez silencieux à moins que ce soit vraiment essentiel. Et attendez d'être prêt pour prêcher l'évangile aussi. Forcez-vous pas à prêcher l'évangile si vous n'êtes pas prêt à le faire. Comme j'ai dit, les partenaires silencieux, c'est extrêmement important. Retournez dans 2 Corinthiens chapitre 5, si vous voulez bien. Tout ça, c'est des règles de notre Église. Donc, une Bible en main. Voilà, on a certaines versions qu'on utilise, par deux, un partenaire silencieux, un qui parle, autre chose, c'est pas de père, homme, femme, si vous n'êtes pas marié. Ça fait partie aussi des règles de notre Église, on mettra pas un homme célibataire avec une femme célibataire pour aller prêcher l'Évangile. Non, c'est un couple marié ou alors c'est des personnes du même genre. Donc ça c'est aussi important. Et si vous vous dites oui, mais moi j'aurais aimé rencontrer une femme, c'est pas le moment de le faire. Vous êtes en évangélisation. De Corinthiens chapitre 5, verset 20, on va le relire, il est dit « Maintenant, donc, nous sommes ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu vous implorait par nous, nous vous prions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Et donc, dans ce passage, la Bible dit qu'on est ambassadeur. Et quand vous voyez des ambassadeurs, c'est un travail sérieux, n'est-ce pas? Souvent, les ambassadeurs, ils sont bien habillés, ils prennent les choses au sérieux, ils essayent de bien faire leur travail parce qu'ils représentent leur pays, ou ils représentent quelqu'un, et bien nous, on représente le Seigneur Jésus-Christ, et on représente notre Église. Donc on veut bien faire les choses, on doit prendre ça très au sérieux, et ça veut dire quoi? Ça veut dire s'habiller de manière appropriée. On veut s'habiller d'une manière qui glorifie Dieu, et comme un ambassadeur. Et il y a donc une ligne par rapport à notre Église, par rapport à l'habillement. La ligne de notre Église, c'est si vous êtes un parleur, et je répète, c'est si vous êtes un parleur, pas si vous êtes partenaire silencieux, c'est pas le même standard, mais quelqu'un qui parle représente notre Église. Donc un partenaire silencieux, il n'a pas le même standard à tenir. Par contre, bien sûr, si quelqu'un vient habiller de manière obscène, c'est différent, mais si quelqu'un vient habiller de manière comme ça, il n'y a pas un standard précis. Mais si vous parlez, vous représentez notre Église, donc il faut être habillé de manière appropriée, ça veut dire, notre Église dit un homme en collard, ça veut dire quoi? Ça veut dire avec une chemise ou un polo. Quelque chose qui fait que, une chemise avec un col ou un polo, quelque chose qui a un polo, avec un col. Une chemise avec un col ou un polo avec un col. Mais ça, c'est l'habillement standard pour un homme avec un pantalon. Quand vous parlez, c'est la ligne de notre Église. On ne veut pas quelqu'un qui vient avec un t-shirt, qui écrit n'importe quoi dessus ou ce genre de choses. Ça ne représente pas bien le Seigneur Jésus-Christ. Si vous êtes silencieux, ce n'est pas la même chose, comme j'ai dit. Mais quelqu'un qui parle, ça, c'est la ligne de notre Église. De même, une femme doit s'habiller en robe ou en jupe de manière décente. Ça fait aussi partie des règles de notre Église. Encore une fois, si vous êtes partenaire silencieux, vous n'avez pas ces règles. À moins que ce soit quelqu'un d'habillé de manière obscène, mais c'est jamais arrivé, Dieu soit loué, mais c'est très important de représenter son genre. Un homme habillé comme un homme, une femme habillée comme une femme, parce qu'il n'y a que deux genres, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Il n'y a que deux genres, donc on veut représenter son genre. Donc ça, c'est pour l'habillement. Et après, si vous avez des questions par rapport à tout ça, vous n'avez pas bien compris ce que j'ai dit, n'hésitez pas à revenir vers moi. C'est assez simple. Mais niveau matériel aussi, ayez des brochures sur vous, ayez des cartes, préparez-vous. Quand le service est fini, prenez des munitions, prenez des cartes, prenez des brochures. Ayez des choses sur vous, ayez un sac si possible aussi, parce que dedans vous pouvez mettre des affaires. Ayez un stylo aussi, si vous devez prendre le contact de quelqu'un. Donc des vêtements appropriés comme on a vu, mais aussi mettez des vêtements appropriés par rapport à la saison. S'il pleut, s'il fait beau, prendre un chapeau, toutes ces choses qui sont importantes. De penser, d'être prêt en fait, prêt à venir sur le terrain. Parce que 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20 nous dit « Maintenant donc, nous sommes ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu vous implorait par nous, nous vous prions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Donc on est ambassadeurs, on prend ces choses-là au sérieux. Toutes ces choses-là, c'est parce qu'on veut prendre ce travail au sérieux. Autre chose, on prie aussi avant d'aller évangéliser. C'est toujours important de prier avant d'évangéliser, mais pas pour se montrer devant les gens, pas pour sonner de la trompette, mais parce qu'on croit que la prière est importante, donc on prie ensemble, mais continuez à prier. Priez, je vous encourage à prier. Déjà, un partenaire silencieux peut prier pour les gens qui écoutent, peut prier pour tout ce qui se passe autour, prier pour que Dieu protège la conversation. Mais même vous, des fois, en prêchant l'évangile, même une petite prière dans votre cœur, ça peut faire la différence. On a Néhémie dans la Bible qui priait dans son cœur, même une toute petite prière, mais en tout cas prier, parce que c'est une bataille spirituelle. Et on veut que Dieu s'investisse, parce que Dieu veut s'investir. Donc c'est à cause de nous aussi. Parce que Dieu veut que les gens soient sauvés, Dieu veut intervenir, Dieu a du pouvoir, de la puissance, donc nous on veut que Dieu intervienne, donc on invoque son nom, on lui demande de venir. C'est une bataille spirituelle, c'est une œuvre spirituelle. On n'y va pas par la chair, on veut être rempli de l'esprit aussi, c'est pour ça qu'on prie pour toutes ces choses. On néglige pas l'importance de la prière, c'est pas juste, on prie parce qu'on a l'habitude de prier, on prie parce qu'on croit que la prière a un pouvoir. Et on prie parce qu'on croit que Dieu veut intervenir et que c'est une œuvre spirituelle. Donc l'objectif, avoir des personnes sauvées, comme j'ai dit, et nous aussi on doit avoir notre cœur au bon endroit quand on va évangéliser, n'est-ce pas ? C'est pas une compétition entre nous, c'est on veut gagner des personnes au Seigneur Jésus-Christ. Donc je vous redis, allez dans Éphésiens chapitre 6, on a fini ce premier point, je vous redis les règles de notre Église. Avoir une Bible physique, avoir une structure logique, donc avoir une Bible prête, au minimum par pair, un partenaire silencieux et silencieux, un partenaire silencieux c'est un partenaire, donc il est important. S'habiller de manière appropriée, venir préparer. Il y a une règle aussi dans notre église, c'est de prendre du temps pour la carte. Mais nous, on n'utilise pas de carte pour le moment. Donc quand on va faire du porte-à-porte, ils ont des cartes à remplir. Donc nous, pour l'instant, on fait pas ça. C'est pas approprié pour nous pour le moment. Le fait de prier avant et pendant et le fait d'être dans l'esprit. On vient prêcher l'évangile dans l'esprit. Tout ça, c'était le premier point. C'était une introduction au soul winning. Maintenant, on va voir le deuxième point. C'est comment démarrer une conversation. Donc là, on commence déjà quand on va vers la personne. C'est une autre étape. Comment commencer une conversation? Donc cette notion de commencer la conversation. Et dans cette partie, donc ça c'était la première partie aujourd'hui, comment gagner des âmes. Dans les 3-4 autres parties, là on rentrera vraiment dans la présentation. Aujourd'hui on voit le fait d'aborder la conversation. Regardez dans Éphésiens chapitre 6, on va lire des versets 18 à 20. Il est dit, « Prions toujours tout en prière et supplication en l'esprit, et veillons à cela avec toute persévérance et supplication pour tous les saints. » Et pour moi, que l'élocution puisse m'être donnée afin que je puisse ouvrir ma bouche hardiment pour faire connaître le mystère de l'évangile. Et c'est ça que je vous disais. Si Paul prie pour ça, c'est parce qu'il sait que quelqu'un ne peut pas être sauvé en le lisant tout seul. Paul doit ouvrir sa bouche. On doit ouvrir nos bouches pour faire connaître le mystère de l'évangile. Et le mystère de l'évangile, c'est ce que la parole de Dieu révèle. Il est dit verset 20, pour lequel je suis un ambassadeur enchaîné quand cela je puisse parler hardiment comme je dois parler. Et un peu avant, dans Éphésiens 6, il y a cette notion de l'armure, si vous êtes familier avec ce passage, et il y a cette notion des pieds chaussés de la préparation de l'évangile de paix, ça fait partie de l'armure. Et il est dit la préparation, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez être prêt pour aller prêcher l'évangile. Il y a une préparation de l'évangile de paix. Donc dans le passage qu'on vient de lire dans Éphésiens chapitre 6, une chose importante que je veux souligner donc dans le fait de démarrer une conversation, c'est cette notion d'audace. Il est dit, et pour moi que l'élocution puisse m'être donnée afin que je puisse ouvrir ma bouche hardiment, hardiesse, audace, c'est la même chose. Donc il faut être audacieux quand vous allez prêcher l'évangile. On veut avoir de l'audace pour aller vers les personnes. L'audace est vraiment importante, c'est-à-dire aller vers la personne, c'est-à-dire avoir confiance que la parole de Dieu est la vérité, prêcher l'évangile parce qu'on aime l'autre personne, on veut qu'elle soit sauvée, donc on a confiance dans ce pouvoir de la parole de Dieu. On va vers les gens, et cette notion d'audace. Et être audacieux, ça ne veut pas dire être dur et rude envers les gens. Audacieux, ça veut dire que vous avez confiance dans Dieu et que vous êtes zélé, en fait, pour Dieu. Ça ne veut pas dire que vous allez parler mal aux gens ou que vous allez forcer les gens. C'est pas ça, être audacieux. Parce qu'on veut être poli. On veut être audacieux et en même temps poli. On veut donner une bonne image de ce que c'est qu'être un chrétien. Donc être poli envers les gens, respectueux, avoir des manières, être courtois. Allez dans 1 Pierre chapitre 3, si vous voulez bien. Donc quand on va vers les gens, oubliez pas ça, cette courtoisie, cette politesse qu'on doit avoir. Et il y a une personne en face de vous. Il y a une personne qui a des émotions, il y a une personne qui a été créée à l'image de Dieu. Donc on doit aimer notre prochain, tout en ayant cette audace. Regardez 1 Pierre chapitre 3, versets 10 à 11. Donc tout ça, c'est démarrer la conversation. C'est des principes de base quand on va vers les personnes. Regardez 1 Pierre chapitre 3, versets 10 à 11. Il est dit, « Car celui qui veut aimer la vie et voir de bon jour, qu'il garde sa langue du mal et ses lèvres, afin qu'elle parle sans duplicité, qu'il s'esquive du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. » Donc on veut garder notre langue du mal et on veut rechercher la paix et la poursuivre. Quand on va prêcher l'évangile, on prêche une bonne nouvelle. On veut que les gens soient réconciliés avec Dieu. Donc on recherche la paix. On veut que les gens soient en paix avec Dieu. Et donc, d'autant que possible, on doit poursuivre cette paix avec les autres. Quand on frappe à une porte, faisons-le de manière appropriée, n'est-ce pas? On n'est pas là comme ça quand on frappe à une porte, par exemple. On frappe de manière appropriée à la porte, n'est-ce pas? Quand on va vers quelqu'un, dans un parc, dans la rue, on va vers les gens de manière appropriée. On commence pas à être rude envers eux, à avoir un regard dur et méchant. On veut être poli, on veut aller vers les gens parce qu'on les aime. Donc, on annonce une bonne nouvelle, on recherche la paix. Amen. Tout ça, c'est des principes de base. Hein. C'est pas que dans l'évangélisation, c'est dans la vie de tous les jours aussi. Quand on commence à parler à quelqu'un, un exemple de ce qui peut être dit, peut-être que vous utilisez déjà ça, peut-être que vous avez déjà une bonne manière d'aborder les gens, peut-être pas, mais c'est des choses qui sont bien si vous voulez utiliser ça. Vous pouvez dire « Bonjour, je suis chrétien baptiste ». Et donner une invitation à la personne, voilà, on donne cette invitation, on a un groupe chrétien ici au CASA ou à Lausanne, on est de Tourfort Baptiste. Et le pasteur nous dit ça dans son message, et je trouve que c'est très bien, répétez deux fois que vous êtes baptiste. Si au cas où ils ne l'ont pas entendu la première fois, ils l'entendront peut-être la deuxième fois. Ça enlève beaucoup de doutes que les gens qui vont croire que vous êtes témoin de Jéhovah ou mormon. Donc n'hésitez pas à dire on est chrétien baptiste, on vient de Tourfort Baptiste, ou redites-le un peu plus tard, mais dites bien que vous êtes baptiste. On est chrétien baptiste. Parce que déjà, ça permet de vous présenter. Ah, c'est pas un témoin de Jéhovah, c'est pas un mormon. Peut-être même, vous pouvez demander, est-ce que vous connaissez les baptistes? Comme ça, vous le répétez une deuxième fois. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des baptistes? C'est un peu comme évangélique, mais voilà. Des fois, les gens vont vous demander ce que ça veut dire. Vous pouvez le dire brièvement et après aller dans l'évangile. Mais c'est important de dire qu'on est baptiste. Voilà, puis-je vous donner cette invitation? On est de Tourfort Baptiste. Vous pouvez montrer l'adresse. Voilà, on se réunit ici le dimanche. Vous pouvez dire qu'on est à Lausanne. Et après, c'est bien de dire, est-ce que vous êtes chrétien? Est-ce que vous allez à l'église quelque part? Déjà, ça permet de voir si la personne a un passé chrétien, se dit chrétien. Donc, c'est une bonne chose de savoir. Savoir aussi, comme ça, s'ils veulent parler. Apprenez avec le temps de lire le langage corporel de quelqu'un qui n'a pas envie de parler ou de quelqu'un qui... C'est important parce qu'on n'est pas là pour forcer les gens. On n'est pas là pour donner une mauvaise image non plus. Parce que peut-être que quelqu'un ne veut pas écouter aujourd'hui, mais la semaine d'après, il voudra. Peut-être que ça sera par quelqu'un d'autre. Donc, prenez pas les choses personnellement. Quelqu'un s'en va, vous répond même pas. Dites bonne journée ou répondez même pas. Mais dites pas, tu pourrais répondre. Ou, enfin, je pense pas que quelqu'un fait ça, mais si quelqu'un s'en va, laissez-le partir. Donc, voilà, est-ce que vous êtes chrétien? Est-ce que vous allez à l'église quelque part? Et après, dire, voilà, plus important que ça, la Bible dit qu'il y a un enfer, un paradis. Et est-ce que vous avez cette assurance d'aller au paradis? Est-ce que vous êtes sûr à 100% d'aller au paradis? Donc, posez cette question aux gens. C'est une bonne question parce que ça permet de voir qu'est-ce que la personne croit. Parce que de l'abondance du cœur, la bouche parle. Et on veut que la personne dise par des mots ce qu'elle croit. Quand on parle du fruit, on parle de ce qui sort de la bouche. Le fruit de l'homme droit est un homme. Donc, comment on sait si quelqu'un est sauvé ou non? Par ce qu'il dit. N'est-ce pas? Parce qu'il dit, on ne croit pas que quelqu'un de sauvé va automatiquement faire des œuvres. Ah oui, il est sauvé parce qu'il va évangéliser, parce qu'il... Non, c'est qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Parce qu'il y a des gens qui vont à l'église et qui sont pas sauvés. Donc c'est qu'est-ce qu'il va vous donner comme témoignage? Et attention, j'en parle pas forcément aujourd'hui, mais il y a des gens qui sont confus dans les termes qu'ils utilisent. D'ailleurs, j'ai parlé avec un monsieur, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il fallait faire, il m'a dit qu'il était sûr, il m'a dit qu'il faut avoir une relation avec Dieu. Quand on entend ça tout de suite, on se dit, oh, il doit pas être sauvé. Mais après, il m'a dit, même si on a une mauvaise relation, on est sauvé, en fait, par relation, peut-être qu'il voulait dire, voilà, avoir cru, être sauvé. Donc, essayer de préciser qu'est-ce que les gens croient. Des fois, c'est évident que c'est quelqu'un qui est non sauvé, mais des fois, il y a des gens qui peuvent utiliser même se repentir de ses péchés, et en fait, pour eux, ça veut dire, ah, ça veut dire que tu reconnais que tu es pécheur. Donc, préciser avec les gens qu'est-ce qu'ils croient, parce qu'il y a des gens qui, peut-être, ils sont mal enseignés. Bien sûr, si quelqu'un dit quelque chose complètement à l'ouest, c'est différent, mais voilà, des fois, c'est bien. Donc, voilà. Est-ce que vous êtes sûr à 100% d'aller au paradis? Et c'est mieux de dire ça, par exemple, après votre mort, ou est-ce que vous êtes sûr d'y aller, que dire, ah, et si vous mourrez aujourd'hui? Parce que, c'est ce que notre pasteur disait, le fait de dire si vous mourrez aujourd'hui, c'est un peu rude de dire ça aux gens. D'aller vers eux, dire, hey, si tu meurs aujourd'hui, où est-ce que tu vas aller? Les gens vont se dire, mais il est bizarre, pourquoi il me demande si je meurs aujourd'hui? Et je trouve que c'est un bon conseil, évitez d'utiliser ça. Et si tu meurs aujourd'hui, tu vas où? Ça fait un peu rude, donc c'est mieux de dire, où est-ce que vous êtes sûr d'aller au paradis? Après votre mort, peut-être, ou, mais, enfin, c'est un conseil, parce qu'on n'est pas là pour paraître bizarre, on n'est pas là pour offenser les gens, que les gens se sentent mal, et commencent à se dire, oh mince, je vais mourir, ou qu'est-ce qui va m'arriver? Enfin voilà, c'est important de pas paraître bizarre. Donc plus important que ça, la Bible dit qu'il y a un paradis et un enfer. Par exemple, est-ce que vous êtes sûr à 100% d'aller au paradis? Donc en fonction de ce qu'ils répondent, demandez-leur qu'est-ce que vous croyez que quelqu'un doit faire pour aller au paradis. Donc si quelqu'un vous dit oui, je suis sûr, ou même si la personne n'est pas sûre, demandez-lui qu'est-ce que vous croyez qu'il faut faire. Donc toujours garder à l'esprit, en gardant à l'esprit d'être poli, avoir des manières, mais poser des questions en le faisant gentiment. C'est pas un interrogatoire. On pose des questions gentiment, même des fois, on peut s'excuser en disant, je suis désolé, je vous pose des questions, mais c'est parce que je veux vraiment être sûr que vous avez compris. Et c'est bien de s'excuser même envers les gens, ou en disant, on le fait ça à tout le monde. Faire comprendre aux gens qu'on n'est pas là en train de faire un interrogatoire, mais simplement on veut être sûr qu'ils soient sauvés. Donc où est-ce qu'on en est après avoir proposé l'invitation, dire voilà je suis chrétien baptiste ou je viens de Tourfort Baptiste, vous pouvez parler de notre groupe, montrer même la vidéo ou l'adresse, et vous leur dire est-ce que vous êtes chrétien, est-ce que vous allez à l'église, et après plus important que ça, êtes-vous sûr à 100% d'aller au paradis? Et c'est un moment crucial, bien écouter ce qu'ils vous disent quand vous leur demandez, par exemple si quelqu'un dit oui, qu'est-ce que vous croyez qu'il faut faire? Ou si quelqu'un ne sait pas, vous lui demandez qu'est-ce qu'il croit faire, retenez bien qu'est-ce que la personne croit devoir faire pour aller au paradis, parce que ça va vous servir après. Et j'en parlerai dans une autre partie, mais c'est important, parce que ça permettra de revenir dessus en disant, ah oui, mais vous vous souvenez, au début, gentiment leur dire, vous vous souvenez, avant vous croyez ça, maintenant est-ce que vous croyez quelque chose de différent? Ça permet de voir si la personne s'est repentie. C'est ça la repentance. Ils croyaient en quelque chose avant, maintenant ils veulent plus croire dans leurs œuvres, ou ils veulent plus croire dans le fait qu'on perd le salut, ou peu importe ce qu'ils croyaient avant, ils se repentent de leur fausse croyance pour croire en Jésus-Christ. Donc c'est vraiment crucial de poser cette question, qu'est-ce que vous croyez qu'il faut faire? Pourquoi vous êtes sûr à 100% d'aller au paradis? Parce que s'ils disent oui, demandez qu'est-ce qu'ils croient faire pour aller au paradis. Et ne mettez pas des mots dans la bouche des gens, parce que de l'abondance du cœur, la bouche parle. Donc laissez les gens répondre, ne mettez pas vos mots dans leur bouche. Essayez de voir vraiment qu'est-ce qu'ils croient. Laissez-leur leur temps, n'ayez pas peur de ce qu'ils vont dire, laissez-leur un peu de temps pour répondre. Et pourquoi? Parce qu'on veut vraiment laisser dire qu'est-ce que disent les gens, et tout en étant aimable, bien sûr. Alors maintenant, une fois que quelqu'un a répondu, voilà, moi je suis sûr d'aller au paradis, qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au paradis? Il faut que la personne réponde, que ce soit par la foi ou par les œuvres, pas par les œuvres, par la foi, pas par les œuvres, et préciser si la personne répond quelque chose à côté. Si la personne est d'accord, restez pas juste là, mais demandez, oui, mais maintenant, voilà, vous savez, on reçoit la vie éternelle, mais si quelqu'un commet un grave péché, si par exemple, moi, j'ai cru en Jésus-Christ, et peut-être donnez-vous un exemple, et je tue quelqu'un, ou je fais quelque chose de grave, bien sûr, qu'il faut jamais faire, est-ce que vous croyez que vous pouvez encore aller en enfer? Est-ce que vous croyez que vous pouvez perdre la vie éternelle? Et ça permet de voir si la personne croit en l'assurance du salut. Donc je vous encourage à faire deux questions. Qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au paradis? Et est-ce qu'on peut perdre le salut en le posant dans une question, comme j'ai dit? Et donnez-vous un exemple, si vous parlez de tuer quelqu'un, plutôt que de dire, et toi, si tu tues quelqu'un, tu veux... Ça fait un peu bizarre aussi, c'est pareil. Vaut mieux des fois se donner un exemple, ou alors poser la question d'une manière qui fait que c'est pas bizarre. Donc s'ils répondent bien, Dieu soit loué. Si la personne est sauvée, Dieu soit loué. Si ça semble bon, mais des fois c'est pas évident parce que la personne, vous avez l'impression que oui, elle répond un peu bizarrement. Dans ces cas-là, on en parlait avec frère Tristan, assurez simplement à la personne, voilà, vous pouvez être sûr, donnez des versets, prenez le marteau spirituel et confirmez, oui, tu peux pas perdre le salut et tu montes des passages. Si vous êtes pas vraiment sûr que la personne est vraiment sauvée, vous pouvez confirmer son salut et son assurance en lui montrant des versets, en lui parlant. Parce que des fois c'est pas évident parce que des gens répondent un peu à demi-mots ou... Donc faites attention à ça. S'ils répondent oui et qu'ils disent oh, il faut faire des bonnes œuvres, il faut suivre le Seigneur Jésus ou autre salut par les œuvres, s'ils croient qu'on peut perdre le salut, alors comme je l'ai dit, retenez bien ce qu'ils ont dit parce que vous allez revenir dessus en fin de présentation. Une fois qu'ils ont répondu, s'ils répondent mal, dites-leur oui, voilà, la Bible dit quelque chose de différent. Est-ce que je peux vous montrer qu'est-ce que dit la Bible? Vous pouvez dire, la Bible dit que vous pouvez en être sûr. La Bible dit que vous pouvez avoir l'assurance d'aller au paradis. La Bible dit que vous pouvez être sûr d'avoir la vie éternelle. Dieu veut pas que vous soyez dans le doute. Et souvent, les gens répondent bien à ça. Vous croyez que Dieu veut que vous soyez dans le doute? Si vous êtes au paradis, si en enfer, c'est quand même les extrêmes. Dieu veut pas que vous soyez dans le doute. Vous pouvez vous assurer d'aller au paradis. Il y a des gens qui vont vous dire, personne ne sait. Je sais pas, personne peut être sûr. Donnez un Jean chapitre 5, verset 13. Apprenez-le par cœur pour le citer ou alors montrez-le, mais dites-leur si vous pouvez savoir que vous avez la vie éternelle. Et après vous pouvez enchaîner en disant je peux vous le montrer. Est-ce que vous voulez être sûr maintenant d'aller au paradis? Allez dans 1 Pierre chapitre 3 si vous voulez bien retourner dans 1 Pierre chapitre 3 ou peut-être que vous y êtes encore. Parce que n'oubliez pas, c'est que notre but c'est que la personne soit sauvée. Donc on fait tout pour que la personne soit sauvée, mais sans la forcer. Et c'est ça qui est extrêmement important, on force pas les gens. Regardez 1 Pierre chapitre 3 verset 15. Tout ça donc c'est démarrer la conversation. 1 Pierre chapitre 3 verset 15. Mais sanctifiez le Seigneur Dieu dans vos cœurs et soyez toujours prêts à donner avec soumission et crainte une réponse à chaque homme qui vous demande la raison de l'espérance qui est en vous. Et dans la King James française, c'est dit soumission, mais c'est meekness, c'est plus douceur pour moi. Dans l'Ostorval, c'est douceur. Je préfère le préciser, c'est avec douceur et crainte. Donc, on n'attend pas que les gens nous approchent. Des fois, ça arrive, Dieu seul voit que quelqu'un vienne vers nous, mais dans 99,9% des cas, les gens viennent pas vers vous. N'est-ce pas? On n'attend pas que les gens nous approchent. On va vers eux. C'est pour ça que la préparation, c'est les pièces, ça veut dire qu'on se déplace. On va vers eux. On croit pas en... on fait une évangélisation en fonction de notre comportement. Les gens vont venir miraculeusement. Que dois-je faire pour être sauvé? Alors ça arrive. Bien sûr, des fois, quelqu'un fait ça. Mais c'est rare. Et la plupart des gens, on va vers eux. On n'attend pas que les gens viennent vers nous. Donc on croit en fait d'aller vers les gens. Donc 1 Pierre chapitre 3 verset 15 nous dit d'être toujours prêt à donner avec... douceur, je traduirais plutôt comme ça, et crainte une réponse à chaque homme qui vous demande la raison de l'espérance qui est en vous. Donc on offre aux personnes le choix d'accepter, d'écouter l'évangile. C'est ça quand on va prêcher l'évangile. On veut que les gens soient sauvés, on veut que les gens acceptent. On peut leur dire, est-ce que vous voulez être sûr? C'est gratuit d'aller. Est-ce que vous voulez savoir comment être sauvé? Mais s'ils disent non, ne soyez pas offensés et ne forcez pas les gens. Ne forcez pas les gens à écouter. Ne forcez pas quelqu'un qui n'a pas envie d'écouter. Parce que c'est toujours bien de laisser une bonne note aux personnes, que les gens peuvent se souvenir que, ah oui, il y a un an, j'ai parlé à quelqu'un, il avait l'air gentil, et peut-être que la prochaine fois, il voudra écouter. Donc je sais que des fois, on croit qu'il y a une urgence à être sauvé. Mais c'est pas parce que la personne n'a pas écouté aujourd'hui qu'elle va forcément ne plus jamais écouter l'évangile de sa vie. Donc oui, on a cette urgence, on veut que les gens soient sauvés, on veut les convaincre, mais on veut pas les forcer. On veut pas les forcer, et c'est pas nécessairement la dernière fois que cette personne a une opportunité. Donc on veut laisser une bonne note aux personnes. Autre chose que notre pasteur avait souligné, je trouve que c'est bien aussi, plutôt leur dire que ça va prendre plusieurs minutes plutôt que leur dire que ça va prendre quelques minutes. Et c'est une précision importante, mais plusieurs minutes, ça laisse sous-entendre que ça peut être 10, 15, quelques minutes. Les gens vont peut-être se dire, ça va durer 2, 3, 4 minutes. Et il y a des gens qui peuvent se sentir lésés parce que vous avez dit quelques minutes et en fait ça dure 25 minutes. Donc on ne sait pas ce qui se passe dans la tête de quelqu'un. Et c'est des choses qu'on ne pense pas forcément, parce que nous on se dit, on veut que la personne écoute. Mais il avait fait cette mention, plutôt dire plusieurs, ça va prendre plusieurs minutes, par exemple, que quelques minutes. Parce qu'il y a des gens peut-être au bout de 10 minutes, ils vont se dire, mais attends, mais en fait c'est un peu long, et ils vont peut-être croire que voilà, vous avez, il y a peut-être des gens qui vont se dire, finalement, etc. C'est mieux de dire plusieurs minutes, de demander même s'ils ont le temps. C'est quelque chose que le pasteur avait dit, je trouve que c'est bien, parce qu'il y a des gens qui peuvent se sentir, vous n'oubliez pas qu'il y a une personne en face, Il y a des gens qui vont dire, il m'avait dit quelques minutes, pourtant c'est... Après, bien sûr, on veut que les gens soient sauvés, mais voilà, c'est des détails importants. S'assurer que les personnes veulent écouter, d'autant plus si c'est des jeunes. Si vous allez vers des jeunes, laissez-leur l'opportunité de dire non. Forcez pas les gens. Donc laissez-leur l'opportunité de dire non. Forcez pas, laissez une distance raisonnable aussi. On veut laisser une distance raisonnable. Si c'est des enfants, parfois leur demander, voilà, est-ce que vos parents sont là? Donc il faut être prudent quand on va prêcher l'évangile. Si quelqu'un vous envoie balader, vous voulez dire bonne journée et vous laissez partir. Commencez pas à essayer de répondre ou à essayer de dire « Ah, pourtant, vous allez aller en enfer !» Si quelqu'un n'est pas content, laissez-le partir. Ne pas perdre de temps aussi, parce que notre temps, il a une grande valeur quand on va évangéliser. Notre temps, il a une grande valeur. On va évangéliser une heure et demie, deux heures, ça a une grande valeur. Peut-être que la personne, d'après, voulait écouter l'évangile, donc perdez pas du temps avec des gens qui n'ont pas envie d'écouter. Et laissez pas l'orgueil vous engager dans un débat non plus. Parce que vous savez que vous avez la vérité. Donc des fois, on peut être tenté de vouloir convaincre quelqu'un qui n'a pas envie de savoir, ou quelqu'un qui est là juste pour débattre. Vouloir prouver qu'on a raison, vouloir prouver avec la Bible, alors que la personne n'a pas envie d'écouter, c'est inutile. Si la personne n'a pas envie d'écouter, elle n'a pas envie d'écouter, si elle n'a pas envie de changer d'avis. Donc toujours être poli avec les gens, on veut poursuivre la paix le plus possible. Si des personnes ne sont pas contentes, c'est rare qu'il y ait un danger, mais n'oubliez pas que Dieu nous protège. Allez, donc, maintenant vous êtes toujours dans 1 Pierre chapitre 3. N'oubliez pas que quand on va évangéliser, Dieu nous protège. Dieu est là pour nous, il veille sur nous. Combien de fois on est allé évangéliser? Combien de fois on est allé au même endroit, on est retourné et rien s'est produit parce que Dieu veille sur nous. Parce qu'on a un adversaire qui voudrait qu'une chose, c'est qu'on disparaisse, n'est-ce pas? Mais Dieu veille sur nous, Dieu veille sur nous, Dieu veille sur nos pas. Et je suis persuadé que plus d'une fois, Dieu nous a protégés, il est intervenu, il y a des anges qui nous protègent parce que quand on va évangéliser, on fait l'œuvre de Dieu, on a besoin de la protection de Dieu. Donc n'oubliez pas que Dieu nous protège. Quand on va évangéliser ouvertement en public, Dieu est là et il veille sur nous. Donc n'ayez pas peur. Dieu, c'est notre bouclier, amen. Et on sera critiqué, on sera rejeté, on sera insulté. Mais malgré ça, on va toujours bien se comporter. Regardez dans 1 Pierre chapitre 3, on va lire les versets 16 à 17. Donc on a lu le verset 15. Donc on avance dans cette notion d'entamer la conversation. Tout ça, c'est des principes pour qu'on puisse s'améliorer, pour bien faire les choses. Et cette série aussi... Peut-être que vous dites, moi, tout ce qu'on a vu depuis le début, je le sais. Comme j'ai dit, c'est bien de se le rappeler. Mais peut-être qu'on a des gens, et j'espère même, on aura des gens qui vont se rajouter avec le temps. On a des gens qui écoutent en ligne. Et on veut pouvoir les pointer vers une playlist en disant, voilà, tu peux écouter cette playlist. Tu peux écouter qu'est-ce que c'est que le soul winning. Tu peux te préparer. Et c'est l'objectif aussi de ces vidéos. C'est que s'il y a des gens dans le futur qui viennent, qu'ils puissent savoir comment évangéliser. Donc, 1 Pierre chapitre 3, versets 16 à 17. Il est dit « Ayant une bonne conscience, afin que ceux qui disent du mal de vous comme étant de malfaisants » et quand on va évangéliser, il y a des gens qui vont faire ça. « Ils puissent être honteux en ce qu'ils accusent faussement votre bon comportement en Christ. » Donc la honte, elle est sur eux, elle n'est pas sur nous, n'est-ce pas ? S'ils nous accusent de « Ah, vous voulez convertir les gens, vous voulez ramener les gens, etc. » C'est eux qui sont honteux, c'est pas nous. Parce que nous, on va faire ce que Dieu nous demande. Car il vaut mieux, si telle est la volonté de Dieu, que vous souffriez en faisant le bien plutôt qu'en faisant le mal. Donc quand on souffre pour le Seigneur, on est béni. On doit se réjouir, on va être récompensé. Quand on souffre pour Christ, mais c'est en faisant le bien, pas en faisant le mal, n'est-ce pas? C'est pas parce que on est une pourriture avec les autres. On veut bien se comporter. Retournez dans 2 Corinthiens chapitre 5, si vous voulez bien. Donc là, c'était la première partie de comment gagner des âmes, comment évangéliser, ce qu'on appelle le soul winning. On a vu quoi? Une introduction, l'importance d'aller évangéliser. Donc la deuxième partie, c'était plutôt comment entamer la conversation, tous ces principes. Et après, on va vraiment rentrer dans la présentation de l'évangile. Donc dans le prochain message, je le ferai pas la semaine prochaine. Je vais essayer de faire les quatre messages, peut-être en deux mois ou quelque chose comme ça. Je ne vais pas faire toutes les semaines un message sur l'évangélisation. Mais je vais les faire quand même assez rapprochés, mais on va pas faire ça toutes les semaines. On verra la suite de la méthode. Donc on a vu une introduction au soul winning. Relisons 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20. Donc cette importance d'aller gagner des âmes. Et il est dit 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20. Maintenant donc, nous sommes ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu vous implorait par nous, nous vous prions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. C'est ce qu'on veut. Les gens soient réconciliés avec Dieu comme nous on l'est. Parce qu'on veut que les gens aillent au paradis. On veut pas que les gens aillent en enfer. C'est pour ça qu'on gagne des âmes à Christ. Et on est tous ambassadeurs. Tous ambassadeurs. Donc je vous répète les règles de notre église rapidement. Avoir une Bible physique, avoir une structure logique, au minimum par pair, un partenaire silencieux est silencieux, un partenaire silencieux est un partenaire, s'habiller de manière appropriée, le fait de venir préparer, donc la notion de carte que je ne vais pas mentionner pour l'instant, prier avant et pendant et être dans l'esprit. Autre chose qu'on a vu aujourd'hui dans la deuxième partie, c'est le fait de démarrer une conversation, donc de quoi dire, comment aborder quelqu'un, et le fait d'interagir avec la personne. Quand on frappe à une porte, quand on va dans un parc, quand on va dans la rue, on peut dire, voilà, on est chrétien baptiste, ou on est chrétien, on fait partie d'un groupe qui s'appelle Tour Fort. N'oubliez pas, on est un groupe, hein, on n'est pas une église. Dites pas, on est l'église Tour Fort Baptiste. Non, on est un groupe Tour Fort Baptiste qui fait partie d'une église. C'est important de le préciser parce qu'on n'est pas une église. On est un groupe qui fait partie d'une église. Donc si vous avez peut-être des fois l'habitude de dire, voilà, notre église est au Casar, on n'est pas une église, on est un groupe. Précisez, essayez de préciser, on est un groupe qui fait partie d'une église. Donc oui, les gens qui viennent ici, on est une extension de l'église. Donc on peut dire que quelqu'un vient dans l'église Strong Tower, on voit ici. Mais nous, on n'est pas une église en nous-mêmes, on est un groupe d'évangélisation. Donc dire, on est un groupe Tour Fort Baptiste. Et vous pouvez dire, voilà, on fait partie d'une église, voilà notre pasteur. On est chrétien baptiste, on peut donner ces informations. Vous pouvez montrer l'adresse. Si quelqu'un a pas de temps d'écouter, vous pouvez leur dire, voilà, il y a une vidéo, vous pourrez écouter chez vous, écouter la vidéo, assurez-vous d'aller au paradis. Ensuite, vous pouvez leur demander, est-ce que vous êtes chrétien? Est-ce que vous allez à l'église? Si quelqu'un veut pas écouter, vous pouvez donner un verset, des fois, je pense que vous le faites, mais vous dire, ah, est-ce que je peux vous donner un verset? Mais si quelqu'un vous dit non, ne forcez pas les choses, donnez pas de verset. Et ne donnez pas un verset à chaque personne qui veut pas écouter, parce que sinon vous allez passer beaucoup de temps, et on est là pour prêcher l'évangile et parler à des gens qui sont vraiment intéressés. Donc en fonction des situations, citez un verset. Si pas, je pense que des fois, si la personne se dit chrétien ou chrétienne, c'est une opportunité de donner un verset peut-être, parce qu'on peut se dire qu'elle est un peu plus réceptive. Donc jugez les situations, mais c'est bien de donner un verset, mais peut-être pas forcément à chaque fois. S'ils ont l'air pas intéressés, c'est pas forcément nécessaire. Et donc demandez, si la personne dit non, ne pas forcer. S'ils sont ok, vous pouvez donner Romains chapitre 6 verset 23 ou Jean chapitre 3 verset 16. Par exemple, c'est des bons versets parce que vous pouvez faire un petit résumé avec ces versets. Vous pouvez faire un résumé avec Romains 6 23 avec Jean 3 16. Et des fois, les gens, finalement, vous voyez qu'ils restent. Vous voyez que la personne reste. Bah, vous pouvez continuer à expliquer, à résumer. Et après, vous pouvez leur dire, mais vous êtes sûr que vous n'avez pas un peu de temps? Et peut-être que la personne va vous dire, si, finalement, je veux bien écouter. Donc regardez comment la personne interagit. Des fois, il y a des personnes qui ont seulement quelques minutes. Quand quelqu'un a quelques minutes, s'il vous plaît, donnez des versets. Ne faites pas juste dire, oui, voilà, Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous, il faut juste avoir la foi en lui, etc. Donnez au moins un verset, deux versets. Pourquoi? Parce que sans la parole de Dieu, on l'a vu, la foi vient en entendant, ce qu'on entend vient par la parole de Dieu, donc on veut semer. Et semer, c'est prêcher des versets. Donc si vous faites un résumé à quelqu'un, montrez dans la Bible ou citez des versets, mais citez un, deux, trois, quatre versets en fonction du temps que vous avez. Donc c'est bien de faire un résumé, des fois les gens n'ont pas le temps, et à la fin vous pouvez leur dire, voilà, si vous voulez écouter une présentation complète, vous pouvez écouter la vidéo chez vous. Si vous rencontrez quelqu'un de sauvé, c'est bien de les encourager à s'investir. On rencontre des gens souvent sauvés, notamment les encourager à venir évangéliser, mais passez pas 20 minutes avec des gens qui sont déjà sauvés, parce qu'on est là pour gagner des âmes. On est là pour gagner des âmes, donc si à chaque fois vous passez 20 minutes que vous croisez quelqu'un de sauvé, on va perdre du temps. Donc vous pouvez passer quelques minutes avec quelqu'un, l'encourager, mais la plupart de notre temps, on est là pour gagner des âmes, n'est-ce pas? Si c'est un réprouvé évident, si vous parlez à un réprouvé évident, pasteur d'une fausse église, prêtre, un sodomite, quelqu'un qui dit voilà qu'il est un faux prophète, etc., perdez pas de temps, partez. Si vous voyez quelqu'un, évidemment, et réprouvé, parlez pas avec cette personne, n'est-ce pas? Ça sert à rien. Allez dans Matthieu chapitre 15. Donc si c'est un réprouvé évident, parlez pas, ça sert à rien de perdre votre temps. On ne veut pas donner ce qui est sain au chien, pardon. Donc c'est un principe important. Si vous voyez quelqu'un est ouvertement réprouvé, perdez pas de temps. Si quelqu'un dans ses mots vous dit ce qu'on a vu là, ça sert à rien de passer du temps. Si quelqu'un vous dit je suis un prêtre catholique, ok, bonne journée, c'est fini. Ça sert à rien de parler avec un prêtre catholique. Vous allez passer peut-être 15 minutes et il est réprouvé. Il est réprouvé. Et voilà, on peut laisser le bénéfice du doute à quelqu'un qui se dit pasteur. Mais si c'est quelqu'un qui prêche ouvertement un faux salut, qui est pasteur, etc., c'est un réprouvé. Malheureusement, il a déjà fait son choix. Et s'il vous amène dans des débats, partez, ne perdez pas de votre temps avec des réprouvés. Bien sûr, c'est différent si c'est un chrétien qui va dans une église lambda et qui croit dans un faux salut. C'est différent que c'est celui qui est derrière le pupitre en train de prêcher un faux salut depuis 10 ans. Et qui croit qu'on peut perdre le salut et qui prêche ça aux gens et qui déteste Dieu et qui est un réprouvé. Autre chose. Donc c'est cette notion de ne pas perdre du temps. Attention aux témoins de Jéhovah, je fais un point important aussi là-dessus. Si quelqu'un dit qu'il est témoin de Jéhovah, des fois c'est bien de lui demander depuis combien de temps il est, où est-ce qu'il va évangéliser, parce que si c'est un témoin de Jéhovah depuis 10 ans, partez. Ça sert à rien de lui parler. Vous allez perdre du temps. Si quelqu'un est un témoin de Jéhovah depuis 10 ans, si quelqu'un va évangéliser depuis par exemple 2-3 ans en étant témoin de Jéhovah, il va pas se convertir, malheureusement. Il va pas se convertir. Pourquoi ? Parce que il est ancré dans sa fausse doctrine et souvent ils sont là pour débattre. Ils vont vouloir vous amener, ah oui, mais non, le nom de Dieu c'est Jéhovah, où est-ce qu'est le paradis ? Il est sur terre, il est au ciel. Et en fait, il vous amènera sur un chemin, et il y en a qui aiment bien débattre. Ils aiment bien débattre. Donc si vous êtes dans Matthieu chapitre 15, on va y aller. Mais voilà, demandez depuis combien de temps, regardez si c'est quelqu'un qui dit, moi je vais aller chez les témoins de Jéhovah, mais vous voyez qu'il n'est pas trop sûr, c'est différent. Mais si quelqu'un est investi depuis 10 ans, 15 ans en tant que témoin de Jéhovah, malheureusement... Voilà, jugez de la situation, jugez de la personne, si c'est une personne humble qui est prête à écouter l'évangile, mais c'est, généralement ils sont orgueilleux, et généralement ils sont pas là pour écouter, ils sont là pour débattre, et essayer de vous amener même dans leur fausse religion. Donc regardez si quelqu'un qui doute, quelqu'un qui est pas investi depuis longtemps, c'est différent, mais attention aux débats, aux pertes de temps, attention aux gens qui sont vraiment investis dedans. Regardez Matthieu chapitre 15 au verset 14, ça c'est le Seigneur Jésus qui le dit. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles, et si un aveugle conduit un aveugle, tous deux tomberont dans le fossé. Seigneur Jésus, laissez-les. Si c'est un faux prophète évident, si c'est un réprouvé évident, laissez cette personne. C'est un aveugle qui conduit des aveugles, perdez pas votre temps avec eux, il y a peut-être juste cette personne humble qui veut, elle, savoir comment être sauvée. Donc attention aux faux prophètes, attention aux débats, attention aux gens qui veulent vous faire perdre du temps. Allez dans Tite chapitre 3. Si vous voulez bien, encore une fois, si c'est quelqu'un de humble, si c'est quelqu'un d'ouvert, qui écoute, vous voyez que cette personne veut écouter, c'est différent. Mais si c'est un réprouvé évident, si c'est quelqu'un qui est là juste pour débattre, parce qu'on cherche des personnes qui veulent écouter l'évangile, pas des personnes qui sont là pour débattre. Regardez Tite chapitre 3, verset 9 à 10. Tite chapitre 3, verset 9 à 10. Il dit, mais évite les questions insensées et les généalogies et les contestations et les querelles au sujet de la loi, car elles sont inutiles et vaines. Rejette un homme qui est hérétique après la première et la seconde admonition. Donc après que vous avez, si vous avez prêché l'évangile à quelqu'un, après que la personne, vous voyez, vous montrez plusieurs versets, il croit qu'on peut perdre le salut, il rejette, vous remontrez une deuxième fois plusieurs autres versets, il rejette, c'est le temps de partir après la première et la seconde admonition. Donc, première admonition, ça ne veut pas dire juste vous avez donné un verset. Ça veut dire simplement vous essayez de montrer à la personne, peut-être ça peut être quelques versets. Mais s'ils argumentent, vous donnez quelques chances et après vous arrêtez. Ça ne sert à rien de parler 35 minutes avec quelqu'un qui ne veut pas changer d'avis. Donc j'ai dit attention aux témoins de Jéhovah, mais attention aux musulmans aussi qui sont là juste pour débattre. Il y en a malheureusement. Ils vont prétendre vouloir écouter, vous dire qu'ils veulent écouter l'évangile, vous arrivez sur la Trinité et ils veulent parler que de ça. Et en fait, ils n'ont pas envie de changer d'avis, ils veulent juste essayer de vous pointer les erreurs de la Bible, ou vous même vous convertir, etc. Donc attention au débat, comme j'ai dit. Il y en a qui sont juste là pour débattre. Quand vous voyez qu'il y a un point sur la divinité de Jésus-Christ et que ça patine, que vous montrez un passage, quelques passages, et que la personne ne veut pas changer d'avis, arrêtez. Donc si quelqu'un veut vraiment écouter, d'accord, mais dès que des débats arrivent, donnez quelques chances et arrêtez. Parce qu'on ne doit pas laisser l'orgueil nous engager dans un combat. Un faux combat dans un débat. Je me rends compte que j'avais sauté une page, donc tout ce que je vous ai déjà dit avant, je vous l'ai déjà dit, mais c'est pas grave, de toute façon il n'y avait pas forcément d'ordre dans les parties, mais je vous avais déjà refait un résumé des 10 points qu'on avait vus, mais il y avait une page avant aussi où je voulais parler vraiment de faire attention de ne pas être pris dans des débats, de faire attention de savoir partir, de savoir couper une conversation, etc. Donc je reviens à la fin du message pour faire un résumé de ce qu'on a vu. C'était la première partie. Donc comment gagner des âmes? On a vu une introduction, soul winning. On a vu la préparation. On a vu engager une conversation. Donc bien dire, voilà, on est chrétien baptiste. On vient de Tourfort Baptiste. Est-ce que vous avez cette assurance à 100% d'aller au paradis? Qu'est-ce que vous croyez qu'il faut faire pour aller au paradis? Et quand la personne veut écouter l'évangile, là, on rentre dans la présentation de l'évangile. C'est ce qu'on va voir dans la prochaine partie. On va rentrer dans les points. La prochaine partie, ce sera les deux premiers points. Je ne sais pas si vous saviez, mais on divise principalement, je pense, chacun d'entre nous, notre présentation de l'évangile en quatre points. Le premier point, c'est le fait qu'on est coupable et qu'on mérite d'aller en enfer. Le deuxième point, c'est l'évangile. Qu'est-ce qu'a fait le Seigneur Jésus-Christ pour nous? Qui il est? Et sa mort, son ensevelissement, sa résurrection. Le troisième point, c'est le fait qu'on est sauvé par la foi, pas par les œuvres. Et le quatrième point, c'est l'assurance du salut. Et ça, on va le diviser en plusieurs messages. Donc, ça, c'était la première partie. Donc, ça, c'était la première partie. La prochaine fois, on voit le péché, ses conséquences et l'évangile. Donc, ça, c'était la première partie de la série de Soul Winning, comment gagner des âmes. Et on l'a vu dans Romains chapitre 10, verset 14. Comment alors feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils sans un prédicateur? On va prier. Merci. Merci Seigneur pour ces clairs passages de ta parole, Seigneur, comme Romains chapitre 10, de Corinthiens chapitre 5. Et il y en a tellement, Seigneur, qui montrent que c'est notre responsabilité, Seigneur, d'aller prêcher l'évangile. Merci de nous avoir confié à ce ministère, Seigneur. Je prie pour que chaque personne qui écoute, et chaque personne qui prend déjà ça très au sérieux, que nous puissions continuer à faire cette œuvre que tu nous as donné à faire. C'est un vrai privilège de pouvoir prêcher l'évangile, de pouvoir tourner des gens vers le Seigneur Jésus-Christ. Et si chaque personne voyait déjà les gens au paradis, voyait déjà l'impact que ça peut avoir, voyait déjà les récompenses éternelles, le fait d'être appelé bon et fidèle serviteur. Chaque chrétien, s'il voyait déjà ces choses-là, il irait évangéliser tout de suite. Et nous on fait ces choses-là par la foi. Pourquoi? Parce que c'est une vraie bénédiction de prêcher l'évangile. Je prie pour que tu puisses continuer à nous utiliser, chacun d'entre nous, dans nos vies personnelles, mais aussi en tant que groupe Tourfort Baptiste, Seigneur. Je prie pour que nous puissions rencontrer des gens réceptifs, qu'on puisse continuer à te porter du fruit, Seigneur, et que tu puisses utiliser notre groupe ici pour l'évangile dans la francophonie, Seigneur, aussi à travers Internet. Et on prie pour que les gens qui écoutent ce message, qui ne vont pas évangéliser, puissent y aller, Seigneur, qu'ils puissent venir ici s'ils ont besoin d'apprendre à évangéliser, qu'ils puissent écouter cette méthode aussi. Seigneur, qu'il y ait beaucoup de gens qui se lèvent dans les pays, il y a tellement de pays francophones dans le monde entier, et on prie pour que ces lieux puissent être évangélisés, que l'évangile puisse être prêché. Merci Père, on prie pour tout ça, merci pour toutes ces bonnes doctrines qui viennent de notre Église, et merci pour le travail de notre pasteur et le travail de notre Église en Angleterre, Seigneur, et c'est vraiment des principes importants de sagesse. Et voilà, je prie pour que on puisse bien continuer cette série et que ça puisse te glorifier en Jésus-Christ. Amen.